Salut Sophie! Salut Florian! Et bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne, c'est l'après-centième. On poursuit alors pour 100 nouveaux épisodes afin de vous parler de nos découvertes ornithologiques des 7 derniers jours. Comment ça va Sophie? Bah ça va bien, et toi du coup? C'était un peu compliqué, la semaine dernière j'étais malade, c'était un petit peu délicat, mais on s'en remet tout progressivement, c'est bien. Et aujourd'hui on parle d'oiseaux disparus, enfin plutôt d'oiseaux disparus, non, on d'oiseaux espère, disparus. Qu'ils, vont, on espère qu'ils vont pas disparaître, la mais mauvaise en nouvelle tout cas d'oiseaux qui se portent mal, exactement, comme d'habitude. Et toi tu vas nous parler d'un oiseau qu'on n'a pas évoqué dans le Courrier de la Sterne encore, mais en même temps, il y a 11 000 espèces. Il y a tellement d'espèces d'oiseaux, non, exact. faut pas compter là-dessus. Mais on va parler d'un faucon, et d'un faucon que vous connaissez peut-être, qui s'appelle le faucon sacre. Voilà, donc oui, c'est son nom, effectivement. Alors je sais qu'il y en a qui vont peut-être dire sacré, mais ça s'appelle le faucon sacre. Voilà, est-ce que tu dis confiance. Ça parce que j'ai dit que ça s'appelait faucon sacré? Et bah t'es pas le seul à m'avoir posé la question, figure-toi. Ok, mais écoute, on va découvrir un petit peu cet oiseau-là. Mais avant ça, rétro piou piou. Alors moi, j'ai pas grand-chose de très intéressant à évoquer dans cette semaine, mais je vais parler de xanthisme. Ooh. Sophie, est-ce que tu sais ce que c'est que le xanthisme? Je te pose la question. Je pense que tu dois connaître évidemment cette réponse. Là, non. Je t'avoue que non, pour une fois. Ah ouais? Non. D'accord. Vas-y. Ah, en gros, c'est quand un oiseau prend une couleur jaune un peu inhabituelle, voilà. Et Okay. Y a Birds Caribbean qui a sorti un petit article, une petite review des observations qui avaient été réalisées dans les Caraïbes lors du mois de janvier, et il s'avère qu'ils ont documenté le tout premier taudier de Cuba atteint de xanthisme ou de xanthochroïsme. Voilà. Alors malheureusement, on n'en sait pas plus. Il y a un article qui doit bientôt sortir. Mais voilà, c'est moi personnellement, je ne savais pas que ça existait. D'accord. Cette petite particularité, peut-être chez les pics flamboyants d'Amérique du Nord, où on a des oiseaux qui peuvent avoir un plumage un peu plus rouge ou un peu plus jaune, mais je ne sais pas si ce sont des phénomènes de xanthisme. Voilà. D'accord. Bon, bah après... Je pensais que tu connaissais, pour le coup. Bah alors, je connaissais pas le terme. Effectivement, je connais les phénomènes de changement de coloration généralement chez les oiseaux, mais alors le terme, je t'avoue que je l'avais jamais utilisé. Donc voilà, tu vois. c'est le même terme en anglais, hein, c'est le xanthochroïsme. Ou xanthisme. D'accord. Bon, bah oui. Peut-être. Là, pour le coup. Mais c'est bien, on apprend des choses tous les jours, tu vois. Courrier de la Sterne. C'est le but. Votre rendez-vous éducatif. Oh, bah, grosse éducation quand même pour apprendre des trucs aussi perchés des fois. Mais... Ah bah c'est des oiseaux, c'est normal. Pardon. Ah, oh, bien joué. Désolé. Allez, on va relancer cette rétro. Qu'est-ce que toi tu as découvert de ton côté Alors moi j'avais envie de commencer par une bonne nouvelle. Parce que tu vois, t'as parti sur une mauvaise nouvelle d'oiseaux qui disparaissent et tout. Moi j'étais partie sur une bonne nouvelle pour une fois. Avec la conure à gros bec. Alors, si vous la connaissez pas, c'est normal parce que ça vit plus au Mexique qu'en Europe, donc c'est, voilà, tout va bien. Donc la conure à gros bec, on l'a considérée comme en danger critique d'extinction, parce que évidemment, suite à la destruction de son habitat, trafic illégal, récupération des œufs et des poussins dans les nids, etc. Hein, vous connaissez la musique. L'oiseau est presque disparu, et il y a eu des tentatives de réintroduction dans les années 80 et 90, des massifs montagneux notamment, dans lesquels elle habitait avant, et ces tentatives de réintroduction ont réussi, et en l'occurrence, voilà, et donc on a en plus maintenant de nouveaux projets de réintroduction de ce perroquet, qui vont cette fois-ci être mis en place du côté des États-Unis, parce qu'on l'a retrouvé plus qu'au Mexique dernièrement, et notamment en Arizona, au Nouveau-Mexique, des endroits où elle était originellement aussi, mais dont elle avait complètement disparu. Voilà. Bah moi je vais poursuivre dans les bonnes nouvelles et ce sera ma dernière petite news avec le projet du barrage de Siarzewo. On est en Pologne, c'est un projet qui a on va dire 7 ans d'existence, c'est un projet qui a été mis sur la table depuis 7 ans. Et bien ce projet a été annulé. Les autorités polonaises ont décidé d'annuler ce projet qui était constitutif d'un grand ensemble de voies navigables qui s'appelle le projet E40. C'est un projet d'infrastructure qui visait à créer une sorte de connexion de voies navigables entre la mer Baltique et la mer Noire avec l'ajout justement de barrages, 13 à 15 barrages au total, ce qui est absolument gigantesque. Et le plus important de ces barrages, le Siarzewo, menaçait énormément certaines espèces d'oiseaux, notamment la sterne kojek. Et ainsi BirdLife Pologne avait estimé que la population de cet oiseau uniquement par l'installation de ce barrage pouvait tout simplement descendre à 100%, c'est-à-dire que l'intégralité de la sterne kojek aurait pu disparaître à cause de ce projet de barrage. Eh bien, projet de barrage, il n'y aura pas puisque celui-ci a été tout simplement annulé. Et on sait pourquoi il a été annulé, juste à cause de l'oiseau, il y a eu d'autres... Non, il y a plein de phénomènes qui se sont confrontés. Ça a impacté aussi énormément de sites Natura 2000. On parle de sites Natura 2000 en France, mais on a aussi des sites Natura 2000 à travers l'Europe. C'était 66 parcs Natura 2000 qui étaient impactés par ce projet. Pour information. Voilà. Et quand même. Il y a eu aussi énormément d'opposition à ce projet et c'est un projet qui a été aussi critiqué pour son coût puisque au départ estimé à 470 millions d'euros, eh bien celui-ci aurait dû normalement atteindre 1,8 milliard d'euros. et donc celui-ci a été arrêté. Et puis des pétitions avaient été aussi réalisées pour justement éviter que ce barrage en amont de la Vistule n'existe. Très bien, bah c'est plutôt une bonne nouvelle dans ces cas-là. C'est une très bonne nouvelle, effectivement. Et moi, j'ai envie de terminer sur un petit article qui a été publié dans Haut du Bon. Ils ont un site internet, si vous voulez aller les voir, n'hésitez pas, ils publient de temps en temps des articles intéressants. En l'occurrence, celui-là date du 30 janvier dernier, donc 2025. Et dans cet article, ils expliquent qu'une étude publiée récemment par des chercheurs donc du Centre Haut du Bon ont montré qu'en fait, on avait un petit problème au niveau des connaissances écologiques sur les oiseaux. Et ce petit problème s'appelle « on ne connaît que les mâles et les femelles, on les a pas étudiés ah. ». Donc, voilà. Et du coup, le problème est... C'est pas en fait un problème, on pourrait me dire, bon, on s'en fiche un petit peu, vu que les mâles, de toute façon, on peut supposer que les femelles, c'est pareil, c'est la même espèce, c'est la même écologie, donc bon, ça doit faire plus ou moins la même chose. Eh ben non, parce que dans beaucoup d'espèces, les mâles et les femelles ne sont pas forcément ensemble toute l'année, il y en a qui sont d'un côté dans un certain environnement, d'autres dans un autre. Au niveau de la reproduction, ils font pas forcément les mêmes choses non plus, ils vont pas forcément avoir les mêmes besoins énergétiques non plus, ils vont pas forcément manger la même chose. Enfin bref, il y a tellement de choses sur lesquelles les mâles et les femelles vont différer, au moins chez les oiseaux, que bah évidemment, il faudrait vraiment les étudier, les femelles à part entière, plutôt que d'étudier juste les mâles. Or, on se rend compte que dans nombre d'espèces d'oiseaux, eh ben, on a étudié que les mâles. Et notamment, c'est un problème lorsqu'on commence à essayer de parler de conservation des espèces. Parce que pour la conservation des espèces, vous devez conserver toute l'espèce, pas seulement les mâles. Et comme vous savez pas où les femelles vont, notamment, eh ben, ça va être compliqué de les conserver. Voilà. Intéressant. Ben, ça rejoint le projet... qui avait été mis en place il y a une bonne dizaine d'années, dont malheureusement on n'a plus les nouvelles, puisque le site internet est désormais inactif. Ah. C'était un projet qui consistait à recenser les champs chez les femelles, oui. Et qui avait permis d'identifier, je crois, plus de 1000 espèces, 1000 champs chez des espèces, parfois très proches de nous, hein. Je pense à la fauvette à tête noire, par exemple, qui était une de ces espèces, rouge-queue à front blanc, si mes souvenirs sont bons aussi. Et on estime que ce serait environ 60% des espèces d'oiseaux qui ont des femelles qui chantent également parmi les passereaux, ce qui est quand même gigantesque, ça représente un petit peu plus de 3000 individus si on veut arrondir à la louche, ce qui est énorme. Et il y a pas mal d'études effectivement qui tournent autour de ça. Et il y avait un autre papier que j'avais peut-être lu l'année dernière, je sais plus si c'est l'année dernière ou en 2023, qui parlait justement du fait que parce que c'était des hommes qui menaient les études sur les oiseaux, on avait beaucoup plus tendance à étudier les mâles oiseaux que les femelles. Voilà. Et ça, c'était aussi un autre biais scientifique et un autre biais des études. Mais il faut aussi noter que chez les oiseaux, c'est vrai que les mâles sont plus colorés, plus faciles à observer. Les femelles sont souvent plus ternes, donc c'est plus compliqué de les trouver, de les voir. Enfin bref, on peut comprendre aussi que de ce point de vue-là, c'est moins simple d'arriver à suivre des femelles qui, en plus, pour certaines espèces, comme tu l'as souligné, n'ont pas le même chant, voire ne chantent pas du tout. Donc, ça devient plus compliqué. Ouais, totalement. Tu as raison. Est-ce que tu as une dernière information, Sophie ? Vite fait, une petite information. Est-ce que tu connais la palynologie ? Est-ce que ça te dit quelque chose ? C'est l'étude des pollens. Exactement, des pollens et des spores. Et en fait, un petit article qui est sorti il n'y a pas très longtemps qui expliquait qu'on aurait beaucoup à gagner à mixer ornithologie et palynologie. Alors comme ça, là, tu vas me dire, oui, bon, je vois pas trop... Est-ce que les oiseaux, maintenant, répondent du pollen ? Palynornithologie, d'accord. Mais si, voilà. Pour justement les transferts de pollen par certaines espèces, je suppose... Notamment. Mais pense aussi au niveau de la migration. Le pollen, c'est un des trucs qui va résister notamment au transit intestinal et qui va se retrouver dans les fientes des oiseaux après. Donc imagine maintenant que t'as un oiseau qui va migrer, il va peut-être se nourrir dans un certain endroit, où il va respirer peut-être des spores, et ces spores ou ce pollen vont se retrouver déplacés de l'endroit où il était au début jusqu'à l'endroit où il va migrer ensuite. Et comme ça tu peux arriver à suivre en fait des patterns de migration chez certaines espèces que tu n'aurais pas forcément suivi, parce qu'on est d'accord que poser un récepteur GPS sur chacun de tes oiseaux, c'est pas forcément quelque chose de faisable, rien que financièrement parlant. Mais surtout financièrement parlant. Voilà, donc ça c'est une nouvelle méthode en fait, qui est beaucoup moins intrusive aussi pour les oiseaux, vu qu'on observe que les fientes par exemple, pour arriver à comprendre les patterns de migration. Incroyable, ok, intéressant. On parle désormais du faucon sacre. Exactement. Est-ce que toi tu connais 2-3 trucs sur le faucon sacre ou pas du tout ? Mis à part le fait que je parlais mal de lui tout à l'heure, non. Déjà pour non, le nom, c'est foutu. Je crois qu'il est africain, si je dis pas de bêtises. T'es pas loin, plus du Moyen-Orient. Moyen-Orient ? Non, je sais rien du tout de cet oiseau. Ah, c'est pas grave, écoute, c'est pas grave. Donc on est sur un faucon d'assez grande envergure quand même, comparé au reste des faucons. On reste sur une envergure supérieure à une centaine de centimètres quand même, donc c'est pas mal, c'est une belle espèce. Et c'est un faucon qui est assez joli parce que il est majoritairement brun, et puis il a des taches brunes donc sur le ventre, ce qui va être en fait plus blanc, moucheté de brun, c'est assez joli, et un peu sur la tête aussi, on a notamment des jolis sourcils autour des yeux, c'est pas mal. Donc c'est une espèce qui est assez mignonne à regarder déjà, moi je la trouve très jolie. Okay. Et puis c'est une espèce qui, alors tu vas me dire ça vient du Moyen-Orient, oui, mais pas que, parce qu'en fait l'aire de l'espèce, l'aire de répartition de l'espèce est quand même assez étendue, tellement étendue que parfois elle se retrouve jusqu'à chez nous, jusqu'en France. Ah oui, effectivement, je vois ouais. Ça alors c'est rare, de mon côté. Mais ça arrive. On les trouve notamment en Italie, ça remonte jusque-là, et puis sinon on va aller de l'Arabie jusqu'à l'Éthiopie, enfin bref, on va aller dans ces zones-là. Et on couvre aussi une partie du continent asiatique, vu qu'on va les retrouver notamment en Mongolie et dans ces endroits-là. Alors c'est un animal qui est... c'est un chasseur, hein, tous les faucons jusque-là, ça va. Et c'est un animal qui est très très très utilisé en fauconnerie, et notamment au Moyen-Orient. J'imagine que vous avez déjà vu des vidéos sur Internet avec des gens qui faisaient voler leurs faucons dans le désert. Alors généralement, les oiseaux qui sont utilisés dans ces cas-là sont des faucons sacres, parce que c'est l'animal, le faucon de prédilection au Moyen-Orient. C'est un animal qu'on utilise tellement que d'ailleurs, on va généralement le piquer dans des nids pour aller ensuite l'élever à la main. Et on a des problèmes de conservation à cause de ça, parce qu'évidemment, il est très très recherché. et les meilleurs faucons peuvent se vendre à des sommes folles, hein, faramineuses. Ah bah, la première chose que tu tapes quand tu tapes faucon sacre sur Google, c'est faucon sacre prix qui vient en premier. Donc, voilà. Et nous avons même, d'ailleurs, si tu le savais pas, il y a des hôpitaux qui ont été construits spécialement pour les faucons. Mais oui. Dans le Moyen-Orient. Voilà. Au Moyen-Orient et en Inde aussi, il y avait, il y avait quelque chose comme ça. On en avait parlé, je crois, peut-être avec Victor même, dans tes tout premiers épisodes du Courrier de la Sterne. C'est possible, parce que je m'en souviens pas, moi. Mais ça doit faire un moment. Mais du coup, oui, il y a des hôpitaux complets qui n'accueillent pas des humains, ils accueillent que des faucons, et la plupart de leurs pensionnaires au Moyen-Orient sont des faucons sacres. C'est pour vous dire l'importance de la chose, avec, évidemment, une médecine à la pointe de ce qu'on a aujourd'hui. Donc c'est vraiment un oiseau qui est très très très prisé là-bas, et très utilisé. Pourquoi est-ce que je vous parle du faucon sacre aujourd'hui? Eh ben déjà parce que avec le changement de climat qui se passe dernièrement, dont vous avez certainement entendu parler, on a de plus en plus des oiseaux qui viennent se poser chez nous. Et qui, au début on pensait qu'ils passaient juste, mais il semblerait que certains commencent même à nicher par chez nous. Et alors c'est assez curieux, parce que d'habitude normalement il faisait que passer, mais finalement maintenant l'aire de répartition commence à se modifier un petit peu. Et lorsque l'aire de répartition d'un animal se modifie, généralement son alimentation va se modifier avec, parce qu'il faut bien qu'il s'adapte à des conditions qui sont différentes et à des espèces qui vont être différentes sur place, parce qu'il va pas retrouver les mêmes. Et alors, est-ce que tu sais ce que ça mange le faucon sacre à la base? C'est beaucoup de questions aujourd'hui. On est parti dans l'interactif aujourd'hui, tu vois. C'est vrai. Ça doit manger... Dans le désert, qu'est-ce que ça peut manger? Ah, excellente question. Je pense que t'es parti peut-être, sur la bonne... Peut-être des serpents... Je sais pas si Moyen-Orient est bien connu pour les serpents et autres, mais après, l'aire de répartition est quand même énorme. Je pense qu'on est sur du rongeur, ouais. On doit être sur... peut-être sur de l'oiseau, occasionnellement, peut-être sur du lézard... Régime habituel d'un rapace, hein, je pense, hein, sans trop dire de bêtises. t'es parti dans le bon sens. T'es parti dans le bon sens. Mais en l'occurrence, le faucon sacre, en fait, a un régime alimentaire très très particulier, du moins dans ses zones originelles, j'ai envie de dire. Il est principalement concentré sur des petits mammifères, en l'occurrence les spermophiles. Est-ce que tu connais les spermophiles? Ce sont... Oui. Voilà, donc ce sont des sortes des choses qui sont des écureuils terrestres, on appelle ça en français, il me semble, qui sont très très très courants normalement, notamment dans le désert, et voire même avec des espèces de spermophiles, parce que c'est une grande famille évidemment, hein, avec plusieurs espèces de partout, des espèces de spermophiles qui sont réparties un petit peu sur toute l'aire de répartition justement du faucon sacre. Normalement ça fait à peu près 50% de son alimentation quand même originellement, ce qui est quand même pas mal. Et le reste de son alimentation va être aussi de la grande gerbille, enfin bref, ce genre de choses qu'il va trouver. Okay. Après, effectivement, comme tu l'as dit, il y a un petit peu d'oiseaux, il y a même parfois des insectes. Il peut capturer notamment des gros insectes, hein, que ce J'y soit... J'y pensais, vu la taille, mais... Et oui, exactement. Et puis, des petits oiseaux, que ce soit de l'étourneau, ce genre de choses. Mais en fait, ce qui va se passer dernièrement, et notamment à cause du réchauffement climatique, les spermophiles, ils sont plus en aussi bon état qu'avant, et les populations commencent à se raréfier, notamment dans le désert. Et de plus en plus, l'oiseau, en fait, pour arriver à trouver sa nourriture, il va être obligé de migrer. Et il migre pas n'importe où, parce qu'il s'est trouvé un truc intéressant à manger dernièrement. Il a trouvé le pigeon. Et ça, il a beaucoup aimé le pigeon. Et tant et si bien que maintenant, le pigeon bisé, pour être plus spécifique, le pigeon bisé commence à devenir plus de 50% de son alimentation dans certaines zones de répartition de ce faucon, du faucon sacre. Ok. Et donc on a un changement complet, en fait, d'alimentation de cet animal dû à au réchauffement climatique, en l'occurrence, et à cette migration qu'il est obligé de faire petit à petit, et la raison pour laquelle on le voit de plus en plus sous nos latitudes à présent. Donc je trouvais ça intéressant, en fait. On a petit à petit un changement d'alimentation de cette espèce dû au réchauffement climatique. Et une adaptation assez rapide, finalement, de cet animal, parce que c'est quelque chose... En fait, qui s'est fait très rapidement, On a commencé à faire des observations sur le faucon sacre dans les années 1970-1980. Et à cette période-là, il mangeait pas encore de pigeons. Il y en avait pas vraiment dans son alimentation. Et il y a que depuis une vingtaine d'années que vraiment il a commencé à changer d'alimentation et à s'adapter aux pigeons bisés. Et il est fort probable que vu qu'il s'est adapté si bien aux pigeons bisés, on le retrouve assez rapidement, finalement, dans nos villes, à venir choper du pigeon. Uh-huh. Ce qui serait peut-être pas forcément une mauvaise chose, parce qu'après tout, pourquoi pas. Mais en tout cas, voilà. Donc on a une adaptation très très rapide de cette espèce à un changement climatique, en changeant d'alimentation. Et donc on est sur une espèce qui est capable de s'adapter à un changement d'alimentation très rapide, ce qui n'était pas forcément ce qu'on aurait prédit, vu qu'il avait quand même une alimentation assez spécifique, avec les spermophiles, les gerbilles, enfin bref, c'était plus du mammifère que de l'oiseau à la base. Ok, donc, super intéressant. Quand tu parles de le voir dans nos régions, est-ce qu'on a des lieux justement où il a été observé récemment ? Alors oui, en janvier 2025, observé un faucon sacre près de Sainte-Foy d'Aigrefeuille en Haute-Garonne par exemple. Donc on est plus sur le sud évidemment de la France, on va pas être si vous allez le chercher du côté de Lille, ça va certainement pas se trouver. Mais vous allez pouvoir le trouver notamment dans des endroits qui va être plus des milieux ouverts, voire même des forêts mais pas trop denses. C'est vraiment des endroits où on a une bonne vue de loin, c'est plus okay. Comme il vient un peu du désert et des grandes plaines, on est sur un oiseau qui aime bien avoir des milieux ouverts quand même. D'accord, donc voilà. Et on commence à avoir de plus en plus de couples en Europe même, avec plus de 700 couples maintenant qui sont en Europe actuellement, donc ça commence à être pas mal. On a dans la documentation quand est-ce qu'il est arrivé en Europe ? En Nicheur, je parle. En France forcément... ou en Europe ? En Europe, en France si on a aussi, mais... On a commencé justement dans les années 70 à le voir arriver petit à petit en Europe. Après, on a des observations, peut-être qu'on a des observations plus anciennes, mais dans ce cas-là, je ne les ai pas. Mais déjà, dans les années 70, on a commencé à voir quelques oiseaux qui arrivaient en Europe. Avant ça, je n'ai pas trouvé d'autres observations. Okay. Mais après, on a commencé à avoir, notamment dans les années 2010, on a commencé à avoir pas mal d'individus qui arrivaient à hiverner en Sicile, notamment. On avait jusqu'à une quarantaine... on n'avait pas une quarantaine d'individus, je crois qu'ils avaient ils avaient récupéré une quarantaine de pelotes. Et notamment, il y avait deux individus dans les années 2010 en Sicile, donc du côté de l'Italie. Hein. Ok. En Tchéquie, on commence à en avoir pas mal aussi... en Europe, voyons voir, la Slovaquie, on commence à en avoir un paquet, et... Bon, non, j'ai pas énormément de chiffres pour l'instant, malheureusement. Pour le moment, en France, c'est surtout des individus qui passent comme ça, on sait pas s'ils nichent en France, on ne pense pas qu'ils nichent en France pour l'instant, mais ils commencent à arriver juste, il est possible qu'ils viennent hiverner, voire même, on pense que ce sont des jeunes qui sont de passage, notamment il y a des individus qui sont assez jeunes qui arrivent, reconnaissables aux plumes de vol qui sont généralement un peu plus grandes que celles des adultes plus anciens. Bon, j'imagine, on en a parlé précédemment, ce genre de comportement c'est important pour que les jeunes établissent leur territoire. Mais on ne sait pas encore s'ils nichent véritablement en France, à mon avis pas encore pour l'instant, ils sont juste de passage. Mais il est possible que dans les prochaines années, ça arrive. Donc, intéressant. Préparez-vous à l'arrivée du faucon sacre. Et du coup, dernière question, est-ce qu'il se porte bien quand même au Moyen-Orient, ce faucon ? Comme je te l'avais dit, on a quelques petits problèmes de conservation, parce que comme c'est l'animal emblématique du coin, c'est vraiment avoir un faucon là-bas, c'est une preuve de... C'est un art. De ton statut social, en quelque sorte. Oh, oui, c'est un art aussi, mais c'est surtout ton statut social. Si t'as un faucon, c'est quand même... Et surtout s'il est de bonne qualité, comme il dit, c'est quand même important. Il est un petit peu trafiqué dans tous les coins, malheureusement, donc on a des petits problèmes au niveau du nombre dans ces zones-là. Après, il y a d'autres endroits où on a une augmentation des individus, dans les endroits où, évidemment, il n'est pas trop récupéré dans les nids. Mmh. Là, oui, ça s'améliore un petit peu. Mais sinon, bon, comme d'habitude, c'est la conservation des espèces. Il faut, Je pense que tant qu'on n'aura pas mis le holà à ce genre de pratique, malheureusement, ça ne s'améliorera pas. Cela dit, on a beaucoup d'élevages maintenant de faucons sacres qui commencent à se développer. On en a aussi en France, d'ailleurs, si ça vous intéresse. Je connais des fauconniers qui en élèvent. Okay. Et qui d'ailleurs les vendent au Moyen-Orient. C'est amusant, on les élève en France pour aller les vendre là-bas. Pourquoi pas, après tout, si ça marche, oui. Ça évitera qu'on les prélève dans la nature. Effectivement. Mais je suis assez surpris parce que je pensais que c'était le faucon pèlerin qui était vraiment l'oiseau le plus... Le faucon sacre, c'est vraiment emblématique de là-bas. Et c'est vraiment le faucon qui est utilisé. Après, oui, c'est vrai qu'ils utilisent aussi des faucons pèlerins, mais c'est pas le faucon de prédilection. Merci beaucoup Sophie pour cette découverte du faucon sacre. Et avec moi, plaisir. Du coup, je vais me consacrer à parler de mon sujet qui va parler de la disparition des oiseaux. Mm-hmm. Encore. Généralement, quand on fait un épisode du Courrier de la Sterne et qu'on parle de la disparition des oiseaux, mm-hmm. on a une idée assez évidente de la cause de la disparition. Ça peut être la pollution, ça peut être la destruction de l'habitat, on en parle très souvent. Mm-hmm. Ça peut être des causes, on va dire, un petit peu plus rares. Je pense par exemple au fait d'avoir des incendies. On en a parlé dans les médias récemment avec les incendies qu'il y a eu à Los Angeles. Mm-hmm. Ça peut être des causes, on va dire, un petit peu plus anecdotiques par rapport aux autres problèmes que l'on soulève souvent. Et puis, on se dit surtout que dans les endroits où on ne touche à rien, les oiseaux ne disparaissent pas. Ça paraît logique. Si on dégrade un habitat, les oiseaux disparaissent. Si l'habitat en lui-même n'est pas fractionné, s'il n'est pas gêné par la main de l'homme... il n'y a pas spécialement de raison pour que les oiseaux disparaissent. Sophie, tu rigoles beaucoup, je pense que tu vois où je veux en venir. Oui. On va en Équateur, on est au centre de recherche sur les oiseaux de Tiputuni. C'est un centre qui est placé dans une forêt d'1,7 million d'hectares, ce qui est énorme. Donc c'est un lieu qui est préservé complètement de la main de l'homme. Il y a quelques scientifiques qui s'y rendent pour faire évidemment des recherches et capturer des oiseaux avec des filets que l'on entrepose dans la forêt. Et comme habituellement, eh bien, les oiseaux se prennent dedans, on les capture, on les pèse, on les bague et on les relâche. Et de temps en temps, on fait aussi quelques petites analyses en prenant par exemple le sang ou d'autres informations de ce type-là. Eh bien, vers 2012, certains scientifiques ont constaté quelque chose de bizarre. Les oiseaux disparaissaient. Alors, il n'y avait pas spécialement de raison évoquée, il n'y avait pas spécialement d'épidémie, par exemple. On avait toujours des fluctuations qui avaient lieu d'une année sur l'autre, hein, ce qui était finalement le cas, et ce qui est toujours le cas. On a toujours une fluctuation des populations en fonction de plein de paramètres, comme par exemple les conditions météo, hein, souvent le paramètre qui revient le plus régulièrement. Mais voilà, on savait qu'il y avait des disparités dans les évolutions des effectifs. Mais à partir de ce moment-là, on a commencé à constater que les fluctuations étaient quand même beaucoup à tendance à la diminution. Et on s'est demandé la question de savoir pourquoi. À tel point qu'en 2022, par rapport à ce que certains scientifiques ont observé, on avait presque perdu la moitié de la population de certains oiseaux, ce qui est énorme. Certains scientifiques disaient « j'ai pas entendu certaines espèces même depuis plusieurs années », se disant peut-être que l'espèce avait peut-être disparu de l'endroit où ils sont. Je vous rappelle qu'on est toujours dans la forêt vierge. Alors il y a des études qui ont été menées Il y en a deux qui ont été menées principalement, une au Brésil et une au Guatemala. La deuxième, elle a été menée sur une zone de 22 000 hectares. Elle a été menée sur une période de temps d'environ 40 ans, entre 1980 et 2020. Et là encore, on avait des chiffres absolument accablants, puisque en faisant la comparaison entre la date de début et la date de fin, on remarquait que 70% des espèces d'oiseaux avaient disparu. Et que 70%. Et que 88% des espèces avaient perdu plus de la moitié de leur population. Oh, alors les scientifiques se sont posé la question de savoir ce qui pouvait se passer. Il y avait plusieurs, on va dire, choses qui avaient été émises comme, comment dire, comme raison. On a parlé d'épidémie, mais finalement, ça a été assez vite évacué. On a parlé de la pollution des eaux aussi, mais pas spécialement la possibilité de pouvoir la, comment dire, de pouvoir la quantifier. On savait pas spécialement ce qui pouvait causer justement la disparition de ces oiseaux. Mmh. On a parlé aussi de parasites également, ou une toxine, un poison qui pouvait justement se développer chez les oiseaux ou empoisonner les oiseaux, mais rien n'y fait. On n'a pas trouvé la raison. Alors, on a essayé de voir un petit peu au-delà de critères, on va dire, un petit peu intérieurs à la forêt, prendre des critères un peu extérieurs. Et la conclusion de l'étude, c'est que la réponse la plus logique, c'est que ce soit quand même le réchauffement climatique qui soit responsable de tout ça. Dix ans plus tard, une étude sort. On est en 2025, donc cette étude est sortie fin janvier dernier. C'est Jarrell Wolf et ses collègues qui ont publié donc des nouveaux travaux. Ces travaux se basent sur l'analyse de 4264 individus qui ont été capturés au cours des 27 dernières années. Et ils ont découvert que les effectifs de 24 de 29 espèces avaient été réduits. Et avaient été réduits comment, et ou plutôt pourquoi? Eh bien tout simplement parce que augmentation de la température de 1 degré faisait baisser la survie de la communauté des oiseaux de 63. 1 degré. Ouf. Je rappelle que nous avons passé la barre symbolique des 1,5 degrés cette année. Donc, dans des endroits où on suppose, ou plutôt on supposait à l'époque, qu'il ne pouvait rien se passer, étant donné que l'homme, la calamité qu'il est, était finalement assez loin de tout ça. Eh bien, on se rend compte que l'augmentation de la température réduit drastiquement les succès de reproduction et donc, par la suite, les populations d'oiseaux dans des zones qui n'ont pourtant pas été touchées par les hommes. Alors, Wolf rajoute dans un petit article, il est difficile de déterminer exactement comment la chaleur entraîne le déclin du nombre d'oiseaux, mais c'est bien la chaleur qui est responsable de cette disparition et aussi des précipitations, puisqu'il va y avoir un décalage avec les sources de nourriture, et donc les oiseaux, lorsqu'ils arrivent à la saison sèche où ils ont besoin d'insectes pour y survivre, sont incapables de trouver leur nourriture et de nourrir leurs petits, et c'est comme ça qu'on a une baisse des effectifs dans ces forêts. Donc, pour vous montrer que on parle très très souvent de causes classiques de la disparition des oiseaux, mais même dans les zones les plus sacralisées, on a aussi la disparition de ces espèces. C'est une étude que vous aurez dans la description, et c'est une étude qui est en open access si vous voulez aller les lire. Et je vous mettrai aussi les liens des deux autres études qui sont mentionnées et qui parlent aussi de la disparition de ces oiseaux, sans pour autant, puisque ces études sont antérieures à 2025, comprendre pourquoi ces oiseaux disparaissaient à l'époque. Bon, c'est pas une nouvelle très joyeuse, ça. Ouais. Ah non, clairement pas. C'est pas du tout une nouvelle très joyeuse. Et d'ailleurs, l'article de The Guardian, dans lequel j'ai retrouvé justement les différentes études et par lequel je me suis introduit au sujet, termine là-dessus, justement en disant que c'était... c'est dramatique, quoi. C'est dramatique de voir justement que quand on voit tout ça, et surtout qu'on ne peut rien faire... C'est assez spectaculaire comme chiffre et assez spectaculaire comme résultat, oui, comme résultat d'études. Tu viens de le dire, on ne peut rien faire, nous, à notre niveau. C'est-à-dire que c'est pas une cause physique, comme on pourrait dire, c'est la pollution, par exemple. Donc on va dépolluer le coin et normalement ça devrait refonctionner. Ou bien c'est parce qu'on a construit une nouvelle route, alors il va falloir essayer de trouver des moyens de faire des passerelles, il y a des moyens derrière, physiques, concrets, pour faire des choses dans ces cas-là, pour faire des actions, pour réussir à préserver l'espèce. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien du tout, absolument. Il n'y a rien du tout. Et... Alors, il y a quand même des espèces qui s'adaptent. Hein. Dans l'une des études, je crois que c'est celle de 2020, il y a deux espèces qui sont en augmentation, qui profitent de ces conditions. Il y a l'Ariane aimable, qui est une espèce de petit colibri, très joli nom, et le Tamatia de Lafrenay, qui est un espèce de... J'allais dire de barbican, oh, c'est mais... mignon, les barbicans. Ouais, c'est très sympa. Après, comment dire, je crois pas que ce soit de la même famille, et c'est pas forcément très parlant pour les auditeurs et les auditrices qui ne connaissent pas ces oiseaux, mais voilà, ce sont des oiseaux tropicaux assez caractéristiques, assez proches d'ailleurs qui font partie de la famille des pisciformes, donc des piquets apparentés, si jamais pour attacher un petit peu à des oiseaux un peu plus connus. Est-ce qu'il a une houppette aussi? Non, pas du tout. Non, celui-ci, il a pas du tout de. Moi, il je a pas déçue. Du tout de houppette. Bah, il a de il a de belles, il a de belles plumes j'arrive plus à me souvenir du nom de ces plumes qu'il y a près du bec. Vibrisse, voilà. Il a de très très belles, vibrisses. Il ressemble un peu à un martin pêcheur quand même. Enfin, plutôt à un martin chasseur dans son aspect. Ah ouais, d'accord. Voilà. Bon, pas du tout rapport avec l'oiseau qui lui vit en Australie pour le coup, en tout cas en Océanie. Donc voilà, je voulais vous parler de cette étude qui va faire date, je l'espère, parce que c'est quand même une étude qui est importante, une étude importante qui montre surtout que la nécessité aujourd'hui, elle est quand même de réduire cette fameuse température planétaire et que le réchauffement climatique ne nous préserve absolument pas de la disparition de certaines espèces et pour cause, comme on l'a vu dans des endroits aussi sanctuarisés, on a des disparitions aussi importantes qui se joue actuellement. Voilà, 63% de la réduction des individus pour seulement 1 degré d'augmentation lors de la saison sèche. J'ai pas précisé, lors de la saison sèche. Et c'est sur ce beau coup que nous allons nous quitter, Sophie. Un drôle de façon de terminer cet épisode, mais bon, malheureusement, des fois, on n'a pas trop le choix. Merci beaucoup, Sophie, d'avoir été présente. Où est-ce qu'on te retrouve? Eh bien, les réseaux sociaux habituels, Twitter, je m'habituerai jamais à dire X, c'est pas possible. Twitter, @leplumeux, Instagram, idem, et la chaîne YouTube Entre Actes Science. Et tu reprends Twitch aussi, peut-être? On avait refait un petit épisode pendant les vacances, là, mais il faut que je m'y remette. J'ai eu beaucoup de choses là, ces derniers temps, ça a été un peu compliqué la reprise après les grandes vacances, mais on va y arriver. Oui, ici, c'était les grandes vacances en décembre. Oui, effectivement. et nous, chers auditeurs, auditrices, vous nous retrouvez partout, sur toutes les plateformes de streaming. Vous nous retrouvez sur YouTube, bien sûr. Vous retrouvez les anciens épisodes également sur ces mêmes plateformes. Et vous retrouvez tout ce qu'on a dit, tous les articles qu'on a utilisés, toutes les études qu'on a détaillées dans la description. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, la section commentaires YouTube est là pour ça. D'ici là, portez-vous bien. Salut à tous et salut à toutes. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Courrier de la Sterne. À plus.